Chapitre 9. Catastrophe. Ayant réalisé son dessein de faire connaissance avec les membres de l'opposition, Lagnard leur claqua la porte au nez, enfonça ses mains dans ses poches et descendit l'escalier d'un pas allègre, en chantonnant, le nez en l'air, très satisfait de lui-même. Au vrai, il avait mis le feu aux poudres. Il lui fallait désormais ouvrir l'œil et s'avancer prudemment parmi les embûches. Mais c'était déjà quelque chose d'avoir humilié ces quatre hommes, dont aucun ne l'intimidait sérieusement. Popinot, peut-être, à l'estime de Lagnard, était le plus dangereux. Une bête venimeuse, ce Popinot et ses créatures, les infâmes petits rôdeurs de Belleville, une bande de sinistres individus, pourris de drogue, détraqués d'alcool, qui auraient tué un homme pour le prix d'une absinthe. Mais Popinot ne bougerait pas sans l'autorisation de deux Morbihans, et à moins que Lagnard ne se trompât fort, de Morbihan et ses associés n'useraient des grands moyens que le jour où ils seraient entièrement convaincus de l'impossibilité de faire céder Lagnard. L'assassinat était assez peu dans les cordes de Morbihan, ou du moins, il n'y recourait qu'à la dernière extrémité. Et d'ici l'heure où il serait disposé à l'employer, Lagnard aurait depuis longtemps pris le large. Wertheimer également répugnait à la violence. Son caractère de métis était aussi lâche que perverti. Et les lâches ne tuent que par impulsion, avant d'avoir eu le temps de peser les conséquences. Restait Smith. Problème. Cet homme était apparemment doué d'intelligence aussi bien que de volonté. Mais alors, que faisait-il dans cette galère? Pourtant, il y était, et ce genre d'association le condamnait sans réplique aux yeux de tous les hommes de valeur. Arrivé à ce point, la bonne opinion de lui-même, née de son mépris envers messieurs de Morbihan et compagnie, engendra à son tour une pensée qui arrêta l'aventurier. Ô diable ! Qui était-il donc lui, Michael Lagnard, pour s'estimer au-dessus de tels misérables, alors qu'il vivait d'une façon propre à légitimer parfaitement leurs ouvertures ? Quel droit avait-il de s'irriter de leurs avances confraternelles, aussi longtemps qu'il foulait un chemin si proche du leur, et si analogue qu'un sophiste seul eût pu les différencier ? Quelle distinction salutaire pouvait-on établir entre, d'une part, un maître chanteur comme Wertheimer, un chevalier d'industrie comme de Morbihan ou un patron d'apache comme Popinot, et de l'autre, lui-même, qui gagnait son pain à la sueur du cambriolage. Sa mine s'allongea. Il sifflota, hocha la tête et sourit amèrement. « Heureux que je n'aie pas pensé à cela 2 minutes plus tôt, sinon je n'aurais jamais eu le front. » À l'improviste, par une association incohérente et qu'il jugea incompréhensible, se leva en lui le souvenir de la jeune fille, Lucia Bannon. L'espace d'un instant, il la revit, très nettement, telle qu'il l'avait aperçue pour la dernière fois, alors qu'elle se retournait à la porte de sa chambre, pour le regarder encore, vision de charme troublant dans son kimono de soie rose, avec ses beaux cheveux dénoués, ses joues fraîches, ses yeux brillants d'une émotion impénétrable à son unique spectateur. Quel message ses yeux lui avaient-ils lancé d'un bout à l'autre du corridor mal éclairé de l'hôtel avant qu'elle disparût? Était-ce un adieu ou un au revoir? Elle avait qualifié Lagnard de gentleman, la pauvrette. Mais si elle savait, si elle soupçonnait, ou voir, imaginait qu'il était simplement... Il hocha la tête de nouveau, mais cette fois avec irritation, les sourcils froncés et murmurant. « De toute façon, que lui importais-je? Voilà que je m'attendris sur une jeune fille que je n'avais jamais vue avant hier soir, comme si ce qu'elle pense de moi avait la moindre importance. Ou serait-ce possible que j'en vienne à acquérir un rudiment de conscience morale sur mes vieux jours, moi ?» Si cette hypothèse renfermait une part de vérité, les premiers remords de cette conscience, tardivement éveillée, furent en tout cas bientôt paralysés par le sortilège hypnotique des jetons tintants, d'une bille d'ivoire sautillant dans sa course circulaire et de croupiers braillants. Car la chef de Lagnard, à la table de chemin de fer, avait été occupée par quelqu'un d'autre, et trop impatient pour attendre une place libre, il avait passé dans le salon consacré à la roulette, essayé sa chance en misant un billet de 500 francs sur la noire, gagné, et aussitôt s'était installé à une chaise et livré à un oubli qui dura l'espace de 3 quarts d'heure. Au bout de cet intervalle, il se trouva délesté de ses forts gains au chemin de fer, ainsi que des 10 000 francs pris sur sa réserve. Pour garnir ses poches, il lui restait tout juste la somme qu'il avait apportée de Paris ce soir-là, moins ses menus frais ultérieurs. Cette aventure n'était pas nouvelle pour lui. Il se leva, moins irrité que désolé de voir sa guigne l'obliger à se retirer alors que le jeu commençait à devenir intéressant, et à regret, s'en alla au vestiaire pour reprendre son pardessus et son chapeau. Et là, il trouva deux morbihans, encore, debout et tout vêtus pour sortir, qui mâchonnaient un énorme cigare et offraient un air d'impatience irrité. « Enfin ! » s'écria-t-il d'un ton fâché, quand Lagnard apparut dans le vestibule. « Vous en prenez à votre aise, mon cher !» En dépit de son trouble, Lagnard ébaucha un sourire. « Je ne croyais pas que votre intention était réellement de m'attendre, » répliqua-t-il d'un ton ambigu pour apaiser deux morbihans et pour donner le change au valet. « Que croyez-vous donc ? » riposta le comte avec véhémence. « Que j'allais rester là et vous laisser errer dans Paris à cette heure matinale, en quête d'un taxi introuvable, et courir Dieu sait quel risque d'être attaqué par un apache malencontreux ? Eh bien non !» « Je veux vous ramener chez vous dans ma voiture. Cela me coûta-t-il une demi-heure de bon sommeil, dont je sens trop la perte à mon âge ?» L'intention que cachait la mi-plaisante irritation du petit homme ne fut pas perdue. « Vous êtes trop aimable, monsieur le comte, » déclara pensivement Lagnard, tandis que le valet lui tendait chapeau et par-dessus. « Ainsi donc, puisque vous voilà prêt, je ne vous retarderai pas plus longtemps. » Ils sortirent du club, dont la porte se referma derrière eux. Au bord du trottoir, l'aventurier vit arrêter cette même superbe limousine noire qui l'avait prise à l'abbaye. Deux rapides coups d'œil, jetés à droite et à gauche, lui montrèrent la rue déserte, sans aucune trace de danger. « Un instant, monsieur, » dit-il en arrêtant le comte par le bras. « Il n'est que juste que je vous prévienne. Je suis armé. » « Vous êtes donc moins imprudent que je ne le craignais. Puisque cela vous intéresse, je puis vous avouer que je porte également un sauf-conduit. Mais après, a-t-on envie d'aller jouer du revolver à cette heure de la nuit pour le simple amusement de raconter au sergent de ville qu'on a été attaqué par les apaches, pourvu toutefois qu'on vive assez pour le raconter ? Cela va donc aussi mal que cela, dites ? Suffisamment du moins pour que je n'aime pas de m'attarder à vos côtés sous une entrée éclairée. Lagnard sourit, malgré sa déconfiture. « Monsieur le comte, dit-il, il y a en vous une teinte de ce que votre copain américain, Smith le mystérieux, appellerait du sens sportif, et cela vous vaut mon admiration sans mélange. Je vous remercie de votre offre courtoise et prends la liberté d'accepter. » De Morbihan lui répondit par un grognement assez peu civil, commanda au chauffeur, hôtel Troyon, et suivit Lagnard dans la voiture. Puis, une fois installé, il ne s'agit pas d'offre courtoise, reprit-il. Si je n'en croyais que mon envie, je n'empêcherai pas les assassins de Popinot de vous envoyer à Patresse au plus vite. « Voilà qui est charmant !» s'exclama Lagnard. « D'abord vous tenez à me mettre chez moi pour me sauver la vie, et ensuite vous me racontez que vous me verriez volontiers dans la tombe. Y a-t-il à cela une explication rationnelle ?»« Elle est sur votre personne, » répondit gravement le comte. « Hein ? Vous portez votre raison d'être avec vous, mon cher, sous les espèces des bijoux ombères. » À supposer que je les ai. Vous n'êtes pas allé rue du Bac, monsieur, sans ces bijoux, et je vous ai fait surveiller depuis lors. Quel prétendu intérêt, reprit Lagnard d'un ton calme, vous figurez-vous avoir dans le susdit butin ? Assez du moins pour m'ôter l'envie de lui dire adieu en vous livrant à la merci de Popinot. Vous n'imaginez pas que je n'entendrai jamais plus parler après que ces apaches vous auraient fait votre affaire. Ah ! Ainsi, tout compte fait, votre soi-disant organisation n'est pas basée sur cette confiance réciproque si indispensable à la prospérité de pareilles entreprises. Amusez-vous autant que vous voudrez à vos suppositions, mon cher, répliqua le comte sans se dérider. Mais n'oubliez pas mon conseil, gardez-vous de Popinot. Il est vindicatif ? En diable ! Vous ne pouvez pas l'empêcher ? Lui, impossible, vous n'avez guère été sage de l'hériter de la sorte. Peut-être, c'est simplement une question de goût en fait d'associé. « Si j'étais aussi bête que vous le croyez, reprit le comte, je vous en voudrais de cette allusion, mais je ne vous en tiens pas rigueur, du moins je saurais attendre avant de vous la faire payer. »« Et jusque-là, je bénéficierais de votre indulgence ?»« Mais naturellement, ne vous l'ai-je pas déjà dit ?»« Pourtant, je demeure perplexe. Je ne vois pas du tout comment vous comptez exiger votre part du butin ombert. Chaque chose en son temps. Si vous étiez sage, vous me passeriez l'objet sur le champ. » et vous prendriez ce que je veux bien vous donner en retour. Mais puisque vous êtes le moins sage des hommes, il faut que vous receviez une leçon. C'est-à-dire, la nuit porte conseil, vous aurez le temps de réfléchir. Dès demain, vous viendrez m'offrir ces bijoux en échange de l'influence que je possède en certains lieux. Auprès de votre fameux ami, le chef de la sûreté ? Peut-être, on me connaît aussi à la tour pointue. J'avoue que je ne vous comprends pas, à moins que vous n'ayez l'intention de jouer le rôle d'indicateur. Non, pas cela. C'est une énigme alors. Pour l'instant seulement, mais je vous dirai ceci. Il sera inutile que vous cherchiez à sortir de Paris. Popinot a déjà fait garder toutes les issues. Votre seule espérance réside en moi, et je serai chez moi pour vous jusqu'à minuit demain, ou pour mieux dire, aujourd'hui. Troublé malgré lui, Lagnat regarda fixement le comte, mais celui-ci, sans baisser les yeux, demeura impénétrable. Une aussi calme assurance ne pouvait être affectation pure. « Il faut que je réfléchisse, » songea Lagnat à voix haute. « Que je ne vous dérange pas, » exhorta le comte avec une douce ironie. « J'ai, moi aussi, mes petites réflexions. » Lagnat ricana doucement et s'enfonça dans une rêverie que ne troubla pas de Morbihan et qui dura les quelques dernières minutes du trajet, car, grâce à l'heure matinale, les rues étaient complètement désertes et n'offraient pas d'obstacle à la vitesse, sans compter que le chauffeur avait sans doute hâte de gagner son lit. Comme on approchait de l'hôtel Troyon cependant, Lagnard se redressa et scruta inquiètement les deux côtés de la rue. « Vous ne vous attendez tout de même pas à ce que l'on vous retienne dehors ?» demanda sèchement le comte. « Mais je vois que vous appréciez bien mal cet excellent Popinot. Il ne s'opposera pas du tout à ce que vous vous enfermiez là-haut, puisqu'il sait où vous retrouver, mais seulement à ce que vous en partiez sans sa permission. » « C'est assez juste, ma foi, et je me suis fait une règle de ne rien laisser au hasard. » Il n'y avait en effet nulle trace d'embuscade, ni aucun indice que les apaches de Popinot fussent postés aux environs. Néanmoins, Lagnard tira son revolver et libéra le cran de sûreté avant d'ouvrir la porte. « Mille remerciements, mon cher comte. »« Pourquoi donc ? Pour m'être rendu service à moi-même ? Mais vous me rendez confus. »« Je sais, » acquiesça Lagnard négligemment, « mais c'est ainsi que je suis. Un peu méphistophélique. On ne peut vraiment pas se fier à moi. » « Adieu, monsieur le comte. »« Au revoir, monsieur. » Lagnard attendit que l'auto eût tourné le coin avant de se diriger vers la porte de l'hôtel, sans cesser de veiller au grain. Mais le départ de la voiture avait laissé la rue tout à fait déserte et aussi muette que si elle eût été la grande route de quelque village lointain et non une artère du vieux cœur palpitant de Paris. Malgré cela, il n'était pas tranquille. Bien qu'en sa qualité d'homme sain, il ne crut pas à la prémonition psychique, il était alors harcelé par l'idée que l'entourage renfermait quelque chose de radicalement suspect. C'était peut-être le résultat des menaces ouvertes du comte et de ses allusions voilées opérant sur une imagination sensibilisée par l'inquiétude et la fatigue. Mais depuis sa descente de voiture, il se sentait dans une atmosphère saturée d'un obscur danger. Et il frissonna même un peu, moins à cause du froid matinal que de ce pressentiment qui obsédait son âme. Quelle qu'en fût la cause, il ne parvint pas à la découvrir, et se secouant avec impatience, il pressa un bouton qui fit retentir une sonnerie auprès de l'oreille du concierge, entendit le déclic du pen, poussa la porte et entra dans l'hôtel. Il y régnait un silence encore plus profond que dans la rue, un silence lourd comme celui de la tombe, au point que malgré lui, Lagnard longea le corridor et traversa la cour en marchant à pas de loup. Dans ce silence, s'éleva comme un blasphème un grincement de gonds mal huilés. Le concierge ouvrit la porte de sa loge pour identifier le locataire attardé. Tout en adressant un salut familier au vieux gardien à la mine somnolente sous son bonnet de coton, Lagnard s'arrêta pour fouiller dans sa poche. « Je regrette de vous déranger, monsieur, » fit-il poliment. Et pour confirmer la sincérité de son regret, il se dépouilla de la somme de 5 francs. « Merci bien, monsieur, mais cela n'en vaut pas la peine. Je fais mon devoir. Et qu'importe d'être dérangé une fois de plus ou de moins. Toute la nuit, on va et on vient. »« Bonne nuit, » trancha Lagnard. Et laissant là le vieux radoteur, il monta l'escalier d'un pas soudain appesanti, car il s'apercevait enfin de sa grande fatigue. Les paupières clignotantes, la cervelle lourde, il songea à son lit avec amour, bâilla démesurément, et arrivé à sa porte, y introduisit la clé de façon très peu professionnelle. Mais la clé ne rencontra pas la résistance du double tour, et en apercevant ce détail, Lagnat reprit aussitôt toute sa lucidité. Car il avait sans aucun doute refermé la porte soigneusement après son aventure avec la charmante somnambule. Aurait-elle donc pris en affection sa chambre? Ou n'était-ce là que la preuve attendue tout d'abord que Rodi faisait son métier de limier? Inclinant vers cette dernière hypothèse, Lagnard poussa la porte au large et s'avança dans la pièce où son premier geste fut de saisir le commutateur et de le tourner vivement. Mais la lumière ne se fit pas. « Oh oh ! » s'exclama-t-il à mi-voix en se ressouvenant qu'il était facile d'éteindre à l'ampoule même. « À quoi bon faire cela ?» Au même instant, il tressaillit et fit volte-face. La porte venait de se refermer derrière lui, nette mais sans bruit, éclipsant la faible clarté du palier et le laissant dans l'obscurité complète. Sa première impression fut que l'intrus, Rodi ou un autre, venait de passer à côté de lui et de sortir en tirant la porte. Avant qu'il eût pu corriger cette idée erronée, il était engagé dans une lutte sans merci. L'attaque fut si brusque, inattendue et rapide qu'il se trouva pris complètement au dépourvu. Entre la clôture de la porte et cet assaut dont la violence l'envoyait trébucher contre le mur, il ne s'écoula guère que la durée d'un instant. Et alors, deux bras vigoureux l'entourèrent, immobilisant ses bras contre ses flancs. Il perdit pied et fut renversé avec une force qui faillit lui casser la mâchoire et l'assomma presque. Quelques secondes, il resta étendu à se débattre faiblement, et son adversaire en profita pour assurer sa prise et s'installer sur son corps, où il s'accroupit, un genou sur chaque avant-bras de Lagnard, en serrant à deux mains son cou et lui enfonçant dans le gosier des pouces assassins. Un moment, Lagnard se ranima, et rassemblant ses forces, tenta en vain de désarçonner l'agresseur. Mais celui-ci n'en resserra que davantage la pression sur sa gorge. La douleur devint atroce. Lagnard, ayant presque perdu la respiration, il râlait, les yeux exorbités, des myriades de lumières éblouissantes dansaient et se confondaient devant lui, et dans ses oreilles s'élevait un ronflement pareil à la voix du ressac brisant sur les écueils. Et soudain, il cessa de lutter, et resta inerte, passif, entre les mains de l'autre. La compression de sa gorge se relâcha presque aussitôt. Les deux mains l'abandonnèrent, et l'une d'elles se porta à sa tête pour la retourner et l'appliquer violemment contre le sol. En même temps, il sentit sur son cou le tâtonnement de l'autre main, et puis le contact métallique et la piqûre d'une aiguille s'enfonçant dans sa chair sous l'oreille. Cela le galvanisa. Il revint à la vie en un clin d'œil, animé d'une force et d'un courage décuplés. L'homme, accroupi sur sa poitrine, fut projeté au loin par un petit tremblement de terre, et à peine libéré, le bras droit de Lagnard se détendit avec un élan aveugle, mais formidable, sur la pointe du menton de l'adversaire. Il y eut un claquement de dents, puis l'homme, abattu, poussa un gémissement désespéré. Péniblement, Lagnard se retrouva debout, un peu pris de vertige peut-être, mais encore suffisamment maître de ses esprits, et son premier mouvement fut de tirer son revolver.